Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Pourquoi vous êtes ici, là, sur le blocage de... Bah, contre la loi, projet de loi Macron, hein, voilà, sur les retraites, hein. C'est pas possible d'accepter. Déjà, on a du mal à... Les jeunes ont du mal à trouver du boulot. Et puis après, et puis les vieux, bah, on les met dehors quand ils sont vieux, donc voilà quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut qu'on mette fin à ça quoi. Il faut que la loi soit, enfin le projet de loi soit retiré complètement. Le retrait, retrait. Vous êtes dans quel secteur? Vous travaillez dans quel secteur? Moi je suis retraité de la santé. Et donc au petit matin, vous venez sur une action interpro des cheminots? Tout à fait, je soutiens. Moi, je ne suis pas concerné, mais tout le monde est concerné, donc je me bats pour tout le monde, quoi. Pas pour moi, parce que moi, ça ne change rien pour moi. Mais enfin, encore que, si Macron veut décider de baisser les pensions, alors là, oui. Donc voilà. Il serait capable, ouais. Ah, oui, tout est possible avec eux, hein. Votre prénom, c'est quoi? Comment? Votre prénom, c'est quoi? Marie-Christine. Merci, Marie-Christine. Vous voulez dire autre chose? Comment? Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non, c'est bon. Le retrait, maintenant. C'est simple.